Major Mike. Viens pas se la raconter, Major Mike. Ok, tout seul je me suis fait. Je suis arrivé il y a une dizaine d'années dans cette ville que l'on appelle de Gazeville. Beaucoup ont voulu jouer les malins. Beaucoup ont parlé de moi, beaucoup se sont partis, beaucoup se sont foutus de moi, beaucoup ont perdu la vie, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai, j'ai pas beaucoup connu de vrais hommes, c'est vrai, j'ai pas beaucoup connu de respect, c'est vrai, j'ai connu beaucoup de galères, c'est vrai que j'ai eu parfois la guerre, c'est vrai que j'ai connu la police, les locaux, c'est vrai que j'ai connu le deal, le vol, mais surtout pas de viol et pas de pédophilie. J'aime pas ces enfoirés, même moi sexy. Ok, des meufs j'en ai eu. Tu veux que je te dise quoi? Que je les ai baisés. Toutes des salopes, je vais parler d'elles. Dans un couplet, couplet enragé. Elles m'ont regardé, se foutaient de ma gueule. Elles aiment me mentir, qu'est-ce que tu voulais que je dise? Une tare dans la gueule, mauvaise réputation. J'ai eu pendant des années, je crois que je suis sûr. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Tu voulais que je les laisse faire, mais non, je pouvais pas faire. C'est pas dans mon tête, je ne peux pas faire ce que tout le monde dit. Je ne peux pas dire ce que tout le monde pense. Je suis ce que je suis, mais reste ce que je suis. Fidèle à mes idées, mon corps est sain. Mon corps, mon cœur, mes actes disent. Mes paroles sont toujours synchro. Je suis ce que je suis, comme je te l'ai déjà dit. Je suis ce que je suis, et quand le reste est à vie. Je suis ce que je suis, je te l'ai déjà dit. Je suis ce que je suis, et quand le reste est à vie. Écoute ça, hey, bad boy sur ce son là. Hey, rude boy pour tous les gens qui sortent de la DAS. Tous les gens qui sortent de la caisse, pour tous les gens qui savent c'est quoi la galère, pour tous les gens qui sont morts à la guerre, pour tous les innocents qui ont vu trop de sang couler, pour tous les fire bonne, ok, d'accord, je fais genre c'est ce style, juste pour toi. L'instant d'un coupé, je vais te parler à mes fines. L'instant d'un coupé, je vais me mettre à speeder. L'instant d'un coupé, je vais parler à mes fines. L'instant d'un coupé, je vais me mettre à speeder. Tu veux que je te dise quoi qu'ici y'a que des enfoirés? Tu veux que je te dise quoi qu'ici y'a que des enculés? Ils sont venus me chercher, mais ça ils n'ont pas prouvé. Ils sont venus me chercher et ne faisaient pas le poids. Les taupes me connaissent, ils savent de quoi je suis capable. Je suis venu sur ce beat en version ragame fine. Alors le temps d'un couplet, je viens te chanter. Je viens te chanter, je m'en chante au bout de ma vie. Ok, je reprends mon style, pera. Gangsta, américain, je ne suis pas. Fuck you, Mother, fuck you. Ok, va t'habiller, petit Camille. J'en ai rien à foutre de ton style, tu vas me dire quoi? Que t'as un peu la même vie que moi, mais tu te trompes. J'ai grandi à un endroit là où j'étais le premier black. Et le seul black jusqu'à l'âge de mes 14 ans. Mais j'ai vécu leur racité, beaucoup tous ces enfoirés qui arrêtaient pas de me traiter de dame d'un homme blanche. Ils me demandent putain, tu veux un café bien noir? Ou alors un petit blanc pour toi planche neige. Mais moi j'en ai rien à foutre, je leur ai dit, elle est pas de cul. Si tu veux me tester, tu peux toujours essayer. Raciste, fasciste, Le Pen, le péniste. FN, j'te pisse, j'te fous dans la scène. Si je vais à Paris, je fous une bombe à la maison blanche. Si je vais à Paris, je fous une bombe putain de blanche. Ouais, bienvenue sur la radio, my station, station Major Mike, ok? Hein? Écoute ça, brrra, écoute ça, brrra, fire. Jump. Jumpa. Pop, Major Mike. Vas-y, lâche la ferme. Fire.